Alors je suis resté 6 mois encore dans cette boîte et j'étais un petit peu embêté. J'ai été débauché par un artisan qui cherchait des ouvriers. Et j'étais un petit peu embêté quand même de quitter cette boîte parce que je pensais qu'ils avaient fait des sacrifices, que pendant 2 ans et demi ils m'avaient appris un métier et que au moment où je leur rapportais de l'argent, je partais. Alors j'ai prétexté qu'on allait m'apprendre à faire la tête, puisqu'on ne m'avait pas appris chez eux. Ce qui était un peu vrai, un peu faux. Enfin bref, je suis parti parce qu'on m'avait toujours recommandé, les vieux m'avaient dit, il faut changer de boîte parce qu'on apprend autre chose en contactant d'autres façons de travailler, d'autres ouvriers, plus en contact de gens, plus en contact de maîtres, plus on apprend. Alors c'était aussi un besoin de changer, quoi. Et voilà comment j'ai changé de maître.